La Chine est disposée à faire ce que nous voulons. Quand en 2006, il y a eu la conférence sino-africaine, j'ai un vieux camarade en Chine qui était de la garde rapprochée de Mao Zedong. Quand j'arrive en Chine, je ne téléphone pas. C'est lui qui me découvre. En 2006, j'étais là-bas, il m'a dit, il faut dire aux chefs d'État africains, si tu as des amis parmi eux, nous avons beaucoup d'argent. Nous ne savons même pas que faire. S'ils demandent quelque chose, il faut qu'ils tapent très haut et très fort. Afrique Média, le monde, c'est nous.